L'histoire commence, on découvre direct notre héros. C'est un GI américain en mission en Afghanistan. Il est grand, il est beau, il est honnête. On voit tout de suite que c'est un homme bon, notre héros. Et c'est pour ça que c'est le héros. Attention lui, s'il est là, c'est pas du tout pour faire la guerre. C'est plutôt pour aider les gens, sauver des enfants et des mamans. Mais comme il est américain, les civils l'insultent. Il est triste mais continue, parce qu'il est bourré de vertu. Toute la trame de l'histoire, c'est que le colonel est un salaud. Il capture des civils juste pour le plaisir de les torturer. Il est gros, il est laid, il est raciste et homophobe. Et notre héros va oser s'élever contre lui. Mais les autres GI ne le suivent pas, alors il est jeté au trou. Comme ça, il tombe vraiment extrêmement bas. Mais c'est le héros, il se relèvera. Car ce serait indécent, vu que la production du film a coûté l'équivalent du PIB de 4 ou 5 pays d'Afrique. Quand on aime le cinéma, on ne compte pas. Notre histoire se poursuit et notre GI tombe amoureux d'une magnifique jeune fille afghane. On comprendra un peu plus tard que c'est la fille de l'ayatollah que justement l'armée recherche. Mais quel hasard, vous ne trouvez pas? C'est du scénar hollywoodien. Tout le nœud d'action réside dans le dilemme manichéen auquel cette pauvre fille doit faire face entre son père et son GI. Elle aime les deux, vous comprenez, mais son père veut tout faire sauter. Alors elle décide d'essayer de le raisonner, mais son père devient fou furieux. Il la fait fouetter sur le marché, puis il décide de l'enfermer au fin fond de son QG. Découvrez la dernière production hollywoodienne, enrobée d'une bonne couche de morale à l'américaine. Mais ne parlons pas d'argent, car ce serait indécent, vu que la production du film a coûté l'équivalent du PIB de 4 ou 5 pays d'Afrique. Quand on aime le cinéma, on ne compte pas. Quand notre GI apprend que sa douce est maltraitée, il en fait une affaire personnelle. Il décide d'aller la chercher, sensible tout un tas de scènes d'action. Il risque de mourir toutes les 10 secondes. Il tue 400 membres du Mollah, tous des méchants, alors ça va. Finalement, l'ayatollah se retrouve à sa merci. Mais l'héros ne veut pas la jouer, c'est presque son beau-père tout de même. Des coups de théâtre, le colonel surgit et lui colle une balle dans le dos. En plus, il est très fier de lui, mais quel salaud. Notre héros lui colle un coup de boule, puis console son amoureuse. Il décide de s'installer à Kaboul, ils font des enfants, elle est heureuse. Découvrez la dernière production hollywoodienne, couche de morale à l'américaine. Mais les critiques ont jugé que ce film était un gros navet. Quel dommage, quand on sait qu'il a coûté l'équivalent du PIB de 4 ou 5 pays d'Afrique. On dépensera plus la prochaine fois.